Vive la vie ! En décembre 2019, prenez un nouveau départ et soyez bienvenus. Nous, les vilains petits canards, partons sur les frontières Mali-Sénégal-Guinée pour construire ce prochain haut fourneau école. Si vous voulez nous accompagner ou nous rejoindre, rendez-vous sur le site faire-le-bien.com.